premier vous manquait. Mon second dort l'hiver, il me faisait de l'air. Mon troisième, bien merci, et vous-même. Mon quatrième paye très mal des musiciens tout bas. Et mon cinquième, ce que malade, je gémis quand je l'image. Hôtel de mon sixième, qu'est-ce qui se tire et fait vieillir? C'est mon septième qui va te dire. Devant la glace, à trois faces, Van Gogh avec lui-même fait l'énoncé du problème et t'auras mon huitième. Allons à mon neuvième, mon dixième à pas belle gueule. Pour le onzième, qu'est-ce qui me gêne au cul des bluebell girls? Tire avant mon douzième. Mon treizième, c'est ce qui s'entend de temps en temps. Quand une poissonne polissonne, commis le matin même des trucs à peine racontables avec un genre de crabe. Quant à mon tout, naïf tout, c'est malheureux à dire. Tout étourdi, t'as tout dit, t'as plus qu'à t'étourdir.